et tu te sais quand les conflits surviennent du 10 au 16 novembre. Le verset à mémoriser se trouve dans Galates chapitre 3, les versets 27 à 28. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, et il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes en Jésus-Christ. L'une des tâches les plus difficiles de toute communauté chrétienne est de maintenir l'unité quand les différences d'opinion surviennent en matière d'identité et de mission de l'Église. Ces différences peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Les communautés chrétiennes d'aujourd'hui ne sont pas différentes de celles que l'on voit dans le Nouveau Testament. Les gens restent des gens, et les différences, même sur des points importants, surviendront inévitablement. Les premiers chrétiens ont dû affronter certains conflits causés par des préjugés relationnels et des interprétations très différentes de récits et de pratiques clés de l'Ancien Testament. Ces conflits auraient pu détruire l'Église dès ses débuts s'il n'y avait pas eu des apôtres et des dirigeants attentifs qui recherchèrent la direction du Saint-Esprit et des Écritures pour résoudre les tensions. Il y a quelques semaines, nous avons étudié la manière dont l'Église primitive vivait l'unité. Cette semaine, nous étudions la manière dont l'Église primitive a résolu les conflits internes qui sapaient son unité et menaçaient sa survie. Quels étaient ces conflits? Comment ont-ils été résolus? Et que peut-on apprendre aujourd'hui de ces expériences?